understand the transition right now. Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. C'est l'édito. C'est l'édito, ouais, yes, hi, bienvenue chez Tortoli et Arbatax, ça se passe, c'est tous les mardis sur le 105.4 Radio Panique, entre 17 et 18h, c'est une heure de bon son, après une spéciale Brésil sur ces deux dernières semaines, ouais, c'était en deux volumes, on change de style, retour aux affaires, et aujourd'hui, au programme, on a le retour de Vieux de la Vieille, Guts, le beatmaker d'Alliance Ethnique, on a le retour du Jaguar Gorgon, des NTM, c'est Joey Star qu'on avait laissé un peu de côté ce mois-ci, mais qui nous a sorti un album, on va aussi faire un crochet par la Bretagne pour aller voir ce qui se passe du côté des transmusicales ce week-end du côté de Rennes et puis on fera des petits sauts de puce comme ci comme ça au Baléares au Mexique pour un peu de cumbia, bref, emmène-moi. Bref, que du gros dans Tortoli et Arbatax. Vous êtes bien chez Bran avec nous, vous êtes en connexion. Et on commence toujours cette petite émission par un générique bien stylé, bien sympathique. C'est du disco en fait. Et quand tu dis disco, bah t'as tout dit. Ça s'appelle Rocky et Vandela. Rocky. Vandela. Nickel. Adrien. Dès que t'as dit disco, t'as tout dit. Ne fais pas mongolien, ne fais sourd, plus rien. Et ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. C'est un début. Je m'appelle Barbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Barbatax. Vous êtes des pécassiennes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous n'aurez plus ce pouvoir, vous savez, vous allez vous retrouver dans la merde. C'est votre élément, la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous êtes des mouches à merde. Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. De retour sur les ondes de Radio Panique, vous écoutez Tortoli et Arbatax. Bien dit. Vous écoutez Radio Panique, c'est le 105.4 FM à Bruxelles ou sur internet www.radiopanique.org. Slash écoutez. Yes. Écoutez bien. Sympa, hein. Bon, dans le petit édito, on a tout dit, on a dit disco, on a tout dit, quoi. Pas mal ce petit générique, hein. Rocky et Vandela. Pas dégueu. C'est le nom des deux artistes. Franchement, je me demande si vraiment à l'époque ça swingait pas un peu plus. Je me demande si. Je pense que si. Je me demande toujours si je suis pas né dans la mauvaise époque, quoi. Va-t-on dans la bonne direction? File-t-on un bon coton? Je sais pas. tu veux que je te réponde? Non. Bah, en parlant de la vieille époque, on parlait justement du retour du beatmaker d'Alliance Ethnique. Il s'appelle Guts. Guts. Ouais. Bah oui, Guts. Guts qui signifie en anglais intestin. Voilà. Bien. Ça c'est pour tous les illettrés qui nous écoutent. Ils se reconnaîtront. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bah ça, hein, ça, ils savent. C'est tous les ouvriers qui nous écoutent, tous les. Non, même pas. Je te parle des étudiants là. Il y a des étudiants illettrés. Bah il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est incroyable. Moi j'en ai rencontré pas mal. Hein. Oh. J'étais à la fac d'illettrés. T'étais pas en droite. Non, j'avais pas le droit. T'avais pas le droit. On parlait de Guts, beatmaker d'Alliance Ethnique, donc à la base un mec qui fait plutôt du bon son. On va s'écouter ça. Trois albums quand même, le bonhomme. On l'avait un peu perdu de vue finalement. Trois albums, Quid. Quid, ça sort d'où ces trois albums? Premier album c'était 2007, après il en a lâché un en 2009 et l'autre 2011. Constipation. un an avant de lâcher, ouais. Un an avant de lâcher, et là le dernier c'était octobre 2011. Que ce mec il est pas tout jeune, puisque donc tu l'as dit, il était producteur d'Alliance Ethnique, beatmaker d'Alliance Ethnique, mais également de Big Red sur son fameux album Ragamuffin Culture. C'est ça, au début des années 2000, quand j'imagine Alliance Ethnique a périclité, hein, si je peux. Oh là là. Si je peux me permettre. Enfin, là, les illettrés, ils sont perdus là. Ouf, attends, voilà, si. Attends, quand Alliance Ethnique. Là, ils tournent la monnette là. Quand Alliance Ethnique a fouillé. J'ai fouillé. Ouais, non, mais voilà, donc il est parti un peu avec Big Red enregistrer l'album Ragamuffin, ouais, c'est ça, en Jamaïque. Ouais, Ragamuffin Culture. Ragamuffin Culture, ouais. Pas dégueu l'album d'ailleurs. Pas dégueu. On aura toujours l'occasion de s'en repasser quelques-uns. À part quelques paroles parfois qui dépassent l'entendement. Mais là, les illettrés sont encore plus perdus. Il y avait de la philosophie dans cet album, hein, pour ceux qui connaissent, une pyramide à trois côtés, mais n'a qu'une seule face, n'a qu'un seul sommet. Enfin bref, ça. À peu près. Ah ouais, non, mais attention pour. Bref, les trois albums, Guts le Bienheureux, Freedom, et celui qui est sorti en octobre, Paradise for All. Nous, on a choisi, un morceau du premier album. Du premier album. Guts le Bienheureux. Le titre s'appelle And the Living is Easy. Ça, c'est pour ma prof d'anglais, Bing. Elle comprend. c'est des blagues comme ça qu'on se fait. Nickel. On s'enchaînera. Non, vas-y. Non, très bien. Non, c'était volontaire. J'ai juste répété pour combler, mais non. Vas-y, dis-moi. Juste après, une petite perle, moi j'aime bien. Une petite perle. Oui, en parlant d'intestin. Ah. Juste une petite perle. Zion Eye, groupe de hip-hop West Coast, exactement d'Oakland. Oakland, Californie, si je me trompe pas. Ou alors on Oakland, est... Nouvelle-Zélande, non? Ou alors Oakland. Non, pas celui-là. Non. Attitude. C'était juste un petit rappel. Bien envoyé. Donc ça s'appelle Zion Eye. Et là il y a un petit morceau qui date de 2009. Oui, c'est un peu vieux, mais ça n'empêche pas que c'est bon. Je l'ai entendu la semaine dernière dans une petite vidéo de skate ou de snow là. Parce que oui, je fais ça aussi. Je zone un petit peu comme ça sur. Oh là là. Même on fait tout ça. Tu sais, au début tu cherches un morceau et tu finis à regarder une baston dans la rue ou un mec avec on une sale gueule. Enfin, on ne fait pas tout ça. On ne fait pas tout ça, Arbatax. Si, moi, mais si, tout le monde le fait, mais personne le dit, quoi. Mais on passe tous. On passe tous des heures à regarder, à dériver sur YouTube, et Dieu sait qu'on dérive. Bref. Sur You, mais tube ou pas, tube, ce que tu veux. Tube, voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Bref, le morceau Zion Eyes, ça s'appelle Costine, c'est en featuring avec Keflay, une petite nana. Pour l'information, Zion Eyes, groupe né qui a débuté vers 97, composé de deux petits gars, DJ Ampli Live et MC Zumbi. Voilà pour le topo, quoi, le topo des deux premiers morceaux de l'émission. On n'a plus qu'à se les envoyer, vous n'avez plus qu'à déboucher vos oreilles. Ce qui serait bien, ce serait de pas les envoyer en fait. Et là, ça me mettrait dans la panade. Ça me mettrait dans la panade. Eh ben non, on va pas les écouter. Mais si, on va les écouter, voilà. Allez, on commence par Guts, ensuite Zayana et on se rejoint. Tortelier Batax, vous êtes sur le 105.4. C'est la bonne attitude, c'est la bonne radio. Mets-toi bien. And the living is easy. La la la. but my car jets west as I drift over cliffs. The sunset, yes, it's me and myself. I needed a rest. The windows down, breathing deep in my chest. Used to feel hopeless, now I feel so rare. Seats lean back, can't see my chair. See my eyes reflecting the sky. I feel so divine, giving thanks I'm alive. Cause we came a long way since our days in the A. Sleepless nights, was trying to get right. Now I just glide, wind in my sails. I toast to the ocean, she balanced my scales. West coasting, got degrees in my left. Believe in me, black boy, life do you act. Stay focused, true indeed it's a fact. When them hard times come, love will bring you right back. When life brings trouble, you can fight or run away. I have no struggle. Relax, watch me float away. I'm coasting. I'm coasting on a dream. I'm coasting. This one's for you and me. Some pop bottles, some chase models, as if it's all live, prime time, the Apollo. Mighty big deal, too many can't swallow. The pain got them tripping off things, feeling hollow. Weight on my brain, spit in my slang. Cause I don't wanna go insane. I'm forward on my mission, now I'm deep in the game. Got my speakers on black while I'm switching the lane. Stay low, pro, info, started out at Kinko's. 10 years later, out to Vegas on a G4. The seats bucket when we puff, puff, pass. Passport to my luggage, got my beats on smash. Attitude of a winner, that's some GMA. So it feel like a summer anywhere that I lay. Ay, it's C-A to the day that we out. Stay strong through the struggle, that's what life is about. When life brings trouble, you can fight or run away. I have no struggle. Relax, watch me float away. I'm coasting. I'm coasting on a dream. I'm coasting. This one's for you and me. C'est Tortoli et Arbatax. Y'a pas de gangster dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phase en Hull, Hull, Hull. De retour. C'était bon, hein. De retour dans le studio, ouais, c'était très bon. C'était Zion High avec le titre Coastin featuring K-Flay. K-Flay. Conflex, je sais pas quoi, ouais, c'est ça. Ouais. On s'en fout. Et là, c'est des petites chinoiseries qu'on entend derrière. C'est ça, c'est ça. C'est un auditeur qui me l'a glissé comme ça, tranquillement, il y a quelques temps. Il y a quelques jours, il t'a pris ta banane et puis il t'a glissé un son, non? C'est ça, c'est ça. Ah, c'est celui-là, ouais. Celui-là même. Et dédicace au gringo, là, d'ailleurs, s'il entend. Et ouais, c'est pas mal ça. On tapit pour nous, là, comme ça, on peut parler dessus, on n'entend pas trop. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir, ça fait une dédicace. Voilà, il l'aura eu, ça dédicace. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire, je te jure. Ouais, ça s'appelle comment? Onra. Hein. Onra, ouais, ouais, ça s'appelle. Je crois qu'il y a eu. C'est ça, c'est un mec qui cherche un peu du son du côté de l'Asie. Il chope quelques samples et tout. Il en met un peu de basse dessus, enfin c'est pas bien compliqué. Entre hein. deux graineries, il a trouvé quelque chose de voilà. bien, pas de potable. Bol. Pas de bol. Et voilà, ça s'appelle Chinoiserie. Je crois qu'il y a deux volumes pour l'instant. Moi j'aurais dit ça. Que c'était japonais, quoi. Parce que c'est ni bon ni mauvais. Hein. Ah, mais ça. Oh là là. Les grosses têtes. Oh là là là. Bon bah ouais, non mais c'était sympa, bon début d'émission, j'aime bien, on fait un bilan. Non, on fait pas non, de bilan. On va pas faire de bilan. On a dit qu'on allait faire un petit tour du côté de la Bretagne, Brest Zion, hein, comme on dit dans la communauté Rasta. Exactement, Rasta Be Good. Ouais, exactement, Brest Zion, Bretagne, petite pointe à l'ouest de la France, connue pour ses crêpes, son caramel et son Queen Amman. Quelques tubes, quelques vagues, mais aussi connue chaque hiver pour rebooster un petit peu les oreilles de l'Europe entière. T'oublies, ouais, Matmata, c'est ça. Ah oui, Matmata. Et on oublie Mano. Ah, Mano, voilà, les grands. Mano. Et Bernard Braz aussi, qui avait bien cartonné. Tout à fait, tout à fait. L'été 60. Ça clashait pas mal sur YouTube avec Alan Stivell à l'époque. Ouais, ça s'envoyait l'été 68, là, ils étaient. 68. Chaud boulette. Alors, les trans, bah, c'est ce week-end, trans musical de Rennes. C'est la 1e édition. Je dirais 24. Il y a une coupure. Et voilà. Et donc, 3 jours. Je crois que si les dates sont bonnes, là, c'est 1er, 2 et 3 décembre. C'est exactement ça, mon cher Arbatax. Défricheur de talent, défricheur de son. Comme peut l'être, je sais pas moi, les Eurocaines l'été ou des festivals un petit peu comme ça. Mais là c'est quand même bien spécial parce que c'est quand même un festival qui a mis en lumière pas mal de gros groupes. Etienne Dao. Ouais. Notamment. C'est vrai, en entre plus. Non, Etienne, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y avait Björk, Nirvana, Noir Désir. Ouais. Enfin tous ces gens qu'on aime pas quoi. Et ils ont des. Non mais ils ont des. Ouais, ils sont bien calés sur les nouveaux style de musique, ça annonce toujours la couleur de l'année qui vient en général. Et c'est là où je rebondis. Quelle est la couleur de c'est le rose. C'est le rose. Incontestablement. Ah bah, incontestablement. J'aurais mis ma main à couper que c'était le rose. Ah, et bah, cette année, line-up pas dégueulasse. Ils ont été chercher un petit peu partout. Il y a du rock, il y a de l'électro, beaucoup c'est d'électro. Bon, c'est beaucoup d'électro. La phrase passe partout. Non, c'est pas dégueulasse. On ne sait pas si c'est bien, non, mais c'est pas dégueulasse. Non, et alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils vont aussi chercher pas trop loin le son. Des fois, et surtout cette année-là, ils puissent pas mal dans le Poitou-Charentes. Non, en Bretagne, non, mais sérieusement, en plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça ressemble un petit peu à Astropolis, en fait, ce truc. Et d'ailleurs, Astropolis, je viens de voir à qu'ils Brest. Font. Ouais, mais ils font un truc l'hiver maintenant. Là, en janvier-février, il y a l'Astropolis d'hiver. Ils passent en mode. Deux festivals, Astropolis été-hiver. Je sais pas si tu le savais ça. Bah oui, je connais la police montée, mais la police d'hiver, la police d'été, non. Je connais pas. Ah pardon. C'est bon, c'est la dernière, j'arrêterai. Je baisse les yeux là. Dans cette couleur rose de la programmation, voilà, des trans musicales. Punk rock, Subtrack, ça on connaît déjà. Souléance qu'on avait déjà passé. Ouais. Et puis bah, là on pouvait s'en faire deux, bah, on en a choisi deux. On pouvait, voilà, on nous avait laissé le choix. Ça a permis, c'est cool. Hein. Sympa. Et on a choisi. Qu'a-t-on choisi ? Mexican Institute of Sound, MIS, en anglais. Mais je crois qu'en espagnol ça doit se dire pas trop différemment. Non, c'est pareil, c'est Instituto Mexicano del Sonido, en Spanish. Là, notre morceau qu'on a choisi s'appelle Cumbia. On aurait dû vous le passer, il y a déjà belle levrette, mais on l'a pas fait. Donc on le fait maintenant parce qu'il repasse au. Enfin, il passe au trans. Quoi de. Quid de. On peut dire quoi là-dessus ? Alors, Mexican Institute of Sound, c'est à la base un DJ producteur qui s'appelle Camilo Lara. Et ce mec. Camilo Lara, c'est le président de EMI Mexico, un gros disquaire quoi. C'est ça. un gros disquaire. En gros. Donc c'est le président de EMI Mexico et la nuit c'est aussi un gros digger. Il va pêcher un max de sons venus de partout et ce mec a fondé EMS. MIS, ouais. MIS. C'est ça. Qui est un peu dans la mouvance électronique mexicaine. C'est un DJ set, hein. Il faut savoir que le bonhomme est derrière ses platines. C'est ça. Donc à partir de là, tu peux aller au bar, pareil. C'est ça. Du moment que t'es pas trop loin d'une enceinte, tu loupes pas le trop de spectacle. Pareil, quoi. Voilà. Ça va, ça le fait. Bon, de toute façon, le morceau Cumbia, ça va pas être dégueulasse. Et derrière, on a. Il faut que je me rapproche de ma feuille. Tu peux mettre tes lunettes de vue que t'as acheté à la pharmacie. Cake Madafaka. Un nom à coucher dehors. J'imagine que ça doit être norvégien. Exactement, c'est norvégien et c'est basé. Enfin, ils sont basés à Bergen. Bergen, c'est dans le sud de la Norvège. Souviens-toi, tes cours de géographie en 3ème. Bien sûr. Voilà, c'est un groupe qui est inspiré à la fois du rap, du funk, du disco, du jazz, du rock et de la pop. Et là, je te lis ma fiche Wikipédia. J'avoue que. Comme si je te lirais mon agenda. C'est... Pas de soucis, quoi. Donc voilà, c'est petit norvégien. Jack Madafaka, le morceau il s'appelle Restless, c'est-à-dire sans repos. Et c'est une petite touch un petit peu rock anglais, comme ça, un peu The Virgins ou ce genre de choses. C'est très frais. C'est très frais. Rien de nouveau, mais c'est frais, donc ça fait du bien. On va se faire donc cette petite dupliquette transmusicale de Rennes. On n'est pas tous des fils de. Enfin, on connaît pas tous la Bretagne. Hein. Fils de Rennes. Là c'est Instituto Mexican of Sound et le titre s'appelle Cumbia. Hey fuego. Allez, on reparlera juste derrière. Léna, ça a l'air bon, qu'est-ce que vous mangez? Un fjord de... Radio Panique. Et quoi? Un fromage blanc? Ou un yaourt? Non! Fjord, c'est une recette unique de... Radio Panique. Un goût crémeux et doux, avec juste 6% de matière grasse, pour en manger aussi souvent que vous voulez. On arrive! Fjord de Radio Panique. Initiez-vous à sa douceur. Tortoli et Arbatax. Over every girl number 150. You're Vous êtes de retour dans les studios de Radio Panique. C'est la crocro, c'est la nénique. C'est la chronique, c'est la chromonique. C'est l'ex. Session de la semaine. Oui, voilà. Bienvenue à l'expression de la semaine. Salut. Content salut de vous retrouver. Est-ce que j'explique le principe? Je ne sais plus, au moins pour toi, Tortoli, je leur explique. Vas-y. Alors le but c'est de gagner. Explique le but vite fait. C'est de gagner. Non, mais explique vite fait, autrement je te. C'est une compétition. Hein, donc faut être sportif. Je vais vite fait te couper le micro si tu continues. Alors, l'expression de la semaine. Tortoli et moi-même, on propose chacun une expression chaque semaine en fait. Et vous avez l'opportunité de voter pour la meilleure. C'est plus qu'une opportunité, c'est une chance. C'est un devoir. Ça devrait être un devoir. Ça devrait être un devoir. Tu devrais nous lâcher un peu de thunes si tu n'allais pas voter. Voilà, mais là... donc ça, vous inquiétez pas, ça dure 5 minutes. Hein, on est obligé de le faire, c'est sponsorisé par le ministère de l'Éducation. C'est dans le programme. Dans le programme jeunesse, voilà. Exactement. Ça a été inscrit récemment, je crois, septembre. Voilà. Et voilà, du coup, on est obligé chaque semaine d'envoyer deux expressions, une chacune. Dans les lycées, dans les collèges. Hein, On envoie ça souvent sous pli. Voilà. Sous pli, ils reçoivent ça dans les 48 heures et voilà, ils nous font une petite réponse bien aimable. Je sous-signais. Voilà, on a tous les totos de la classe, etc. Et parfois, on a même des propositions d'élèves qui rebondissent dessus. Ça c'est les meilleurs. Hein, ça, c'est les meilleurs. On n'a pas souvent des premiers de la classe. Non, on serait plutôt sur des cancres. Hein. Ouais, on a les retardataires, les illettrés. Les illettrés, les revoilà, ils sont de retour. Voilà, allez, ceux-là, on se les traîne. Hein, sur le 105.4, je peux te dire. Celle-là, il y a une caravane derrière. Enfin, bon, on n'a pas le choix. Alors, on va y aller. Je rappelle déjà les scores de la semaine dernière. On était sur le Brésil la semaine dernière, donc pardonnez-moi la prononciation, mais c'était Tortoli, si tu m'écoutes, au lieu d'écrire des SMS. Ah, j'écris un message tranquille. tu poses ça. Non, mais ça va. Ça va. Non, mais je vois bien que tu corresponds à l'Audimat, c'est bien. C'est très bien. La semaine dernière, c'était donc Yevelio, ce qui veut dire mon vieux en portugais. Voilà, c'est un truc qu'ils disent tout le temps, mon pote, mon ami, Yavelio. Et moi j'avais Puta que pariu, qui était un petit peu vulgaire, c'est vrai, mais qui a gagné. Oh là là là là là là. Puta que pariu. T'as gagné de combien? De beaucoup, j'imagine. Toujours très très serré, très très serré. D'une mini tête, quoi. C'est vrai, c'est toujours tendu un peu et c'est un classico toutes les semaines. Ça joue souvent dans les 5 dernières minutes. C'est ça qui est bon. Ça joue souvent dans les 5 dernières minutes, c'est vrai. Entre 16h55 et 17h. Bah, je fais toujours appel au même en plus. Bah là, on veut pas. Pour c'est mettre ça ton texto là. C'est ça tes textos. Et cette semaine, terminer les dégâts, on arrête le carnage avec le portugais, on va revenir à notre bonne vieille langue de Molière. Et donc. Arbatax, tu veux peut-être proposer. Non, comme tu veux. Tu veux que je propose? Bah vas-y. Dis-moi. Bah vas-y, je suis curieux. Ok, d'accord. Je suis curieux. Alors très bien, j'y vais. Qu'est-ce que t'as réussi à me préparer là? Mon expression cette semaine, attention, elle n'est pas à piquer des hannetons. Ça, c'en est une autre, ça n'a rien à voir. Roulement de tambour. Mon expression est tu passes du Coca Light. Ah oui. Ah là. Alors il faut okay. Bien comprendre pour les non francophones que l'expression de base est tu passes du coq à l'âne. L'âne. Pour les non francophones et les illettrés. Voilà, et les illettrés. Et là, il y a une espèce de dérive qui dit tu passes du coca light. Et quand tu le dis rapidement, tu passes du coca light. Bah là, je rigole plus. Les gens. Mais moi, j'en vois les rires, c'est pas grave. Ah ouais, c'est comme. Attends, où tu passes du coq zéro. Non, ça ne marche pas. Je pense que... par exemple, là, ce que tu viens de dire, là, t'es passé du coca light. Ah voilà, c'est ça. Ok. Du tout au rien, quoi. C'est une façon de dire qu'on est passé du point zéro. Au point 1222. Tout en haut. Avec le, voilà, avec tu passes du Coca Light, je défends ça. Aimez-moi, votez pour moi. J'offre des bonbons à la fin de l'émission. Voilà, on se donne rendez-vous. Je serai sur le parvis de Saint-Gilles et juste avant, je serai devant l'église à Saint-Josse. Voilà. Nickel. J'ai des bonbons pour vous, les enfants. La tournée des illettrés en plus. Arbatax. On sait qu'à Saint-Gilles et à Saint-Josse, il y a beaucoup d'illettrés. Le resto des illettrés, ouais. Je t'ai vu d'ailleurs là-bas. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. T'avais un crayon, mais bon, juste derrière l'oreille. Je crois que je vais gagner facile. Tiens, je me le cale derrière l'oreille, t'as raison. Bah hop, ouais. Sous le casque. Facile. Moi, dis-moi. Je vais parler aux Jones. Aujourd'hui, je vais parler aux Jones. Je parle à mon public d'illettrés. Attends, t'es plus jeune, Arbatax. Non, c'est une autre truc que j'ai entendu il y a pas très longtemps. Apparemment, ça se dit et ça se diffuse à mort dans les rues. Putain, ça a l'air chiant. attention. Non, mais attention. Là, je rigole pas. Ça a l'air bien. Non, mais mettez-vous à la page. On vit dans le monde qu'on vit. On vit dans le monde d'aujourd'hui. Tu parles à des illettrés. Tu leur dis de se mettre à la page. Les types, ils sont perdus là. Ouais, moi je me tourne vers le futur. Moi. On les perd. Je me tourne vers le futur. Attention, c'est quand on vous dit je suis bloqué, en fait on dit je suis Alcatraz. C'est-à-dire que t'es bloqué quoi, tu ne sais plus rien faire, t'es Alcatraz, t'es comme ça. Là t'es dans les bouchons, tu vois, t'es en bagnole, là on t'appelle, oui, qu'est-ce que tu fous et tout machin. Putain, je suis Alcatraz dans les bouchons là, voilà. Mais ça vient d'où ça? Bah Alcatraz, la fameuse prison de San Francisco. Hein, oui mais tu l'as entendu où ça? C'est pas un Google Translation qui a mal fonctionné ça? Ça serait pas plutôt ça? Google Translation qui a mal fonctionné, pléonasme. Parce que là j'ai un jamais. D'ailleurs, tu plais au naze, enfin, en parlant de notre public. Prends ça, ouais, je suis Alcatraz. Non, mais c'est bon, ça c'est bon. Ça passe bien, ça passe nickel. Et ça fait Jones en plus, quoi. Hein, c'est qui est bon. Exactement, ça fait Jones. Donc là, c'est pas un truc que je dis tout le temps, mais je crois que je vais le dire de plus en plus. Parce que ça me plaît. Parce non, que tu rajeunis à vue d'oreille. Là. Donc je te vois, tu rajeunis. Là. Non, mais ne restez pas Alcatraz sur l'expression de Tortoli. Hein, ouvrez-vous vers le futur et votez pour Arbatax. Ce n'est pas sans passer du Coca Light. Il n'y a pas besoin d'avoir de procuration, les mecs qui s'écoutent pas, de tamponner, d'une carte d'électeur, je ne sais quoi. Tu vas juste sur Facebook, tu marques Alcatraz sous la chronique de l'expression de la semaine sur la page Tortoli Arbatax, et voilà, bing. Oui, mais voilà, Arbatax. Ah, c'est pas fini. J'ai, cette semaine, on sera sur un plan A3, un threesome, comme on dit chez nous. Google Translation. Souvenez-vous, Monsieur Feuillin, il était venu en septembre, et il se trouve qu'on l'a rencontré au coin d'une rue, au coin d'un bar, je ne sais plus, au coin d'une pissotière sûrement, et il a voulu nous administrer une petite expression. Ouf, une expression, ça va. C'est donc en toute courtoisie, en tout fair play que nous lui avons tendu le micro, cet ami, vous pouvez voter pour lui, vous pouvez voter pour Tortoli, Arbatax, un des trois. Et écoutons ce qu'il a déjà à dire, après on gueulera. Allez, monsieur Feuillin, c'est à vous. Oui, ça va, c'est cool, t'entends bien? Tu nous fais rainer? Je vous fais rainer. Monsieur, dame, bonjour. Alors aujourd'hui, l'expression de la semaine que Arbatol ou Tortolax défend. Il est drôle. C'est René, qui nous vient du sud-est. J'ai jamais entendu autre part qu'à Nice, plus précisément. C'est René, quoi. Alors, est-ce que ça part de soi-même ou pas? C'est René, c'est de la merde, c'est naze, etc. Voilà, quoi. Genre, toutes les émissions de radio, sauf Tortolax, Arbatol, c'est trop René. C'est pas du rap de fils de René. René, j'arrive même pas à le faire son truc. René. Donc voilà, ça c'est l'expression. Tu sais que c'est une ville en Belgique ça, hein? René ou René. Ah mais je pensais qu'on parlait toujours de la ville des transmusicales, René là. Ah ouais, non, mais, moi ouais, j'étais encore parti là-dessus. Fils de René, comme dirait pardon. le grand Booba. Pardon. Et Monsieur Feuillin. Qui nous propose René. C'est quoi? Je rigolais tellement, j'ai pas entendu là. Ça veut dire c'est naze. Ça veut dire c'est René, c'est dépassé, c'est René. C'est out of order si tu veux que j'utilise encore mon Google Traducteur. Bon, je vois qu'on n'est pas tous sur le même niveau cette semaine. Je vois que déjà les écarts se creusent. Mais le public saura trouver chaussure à son. Notre micro est grand ouvert à la population rurale, aux illettrés. Il y a pas de problème, il en faut pour tout le monde. Ah ouais, ça défonce un peu aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu violent. Mais c'est pas bon, alors trois expressions, threesome cette semaine, threesome, on rajoute René, je sais pas, je mets quoi, 2R, 3R? Mets un H, comme ça les gens ils sauront. Ça fait... Non ouais, mais ça... comme ça les gens ne sauront pas l'écrire. Ils sauront pas l'écrire, du coup voilà. Bon, on trouvera la solution. Mais ils pourront pas voter dessus. Donc, bon bah du coup j'ai gribouillé un truc là, je sais plus quoi. Par contre, toi ton truc là, Alcamerde là, non je m'en souviens plus. Alcatraz, là, je suis Alcatraz. Alcatraz, là. D'accord. Je ne sais pas venir, je suis Alcatraz. Très bien. Bon bah ne restons pas Alcatraz sur cette chronique. Non, passons du Coca Light tranquillement. on va s'enchaîner direct avec un son, mon garçon. Nickel, bah tant qu'on en parle, je peux annoncer. Alors, Tortoli, si je ne m'abuse, tu nous as proposé. Tu abuses. DJ Bill Badino. DJ Bill Badino. Ouais, alors souviens-toi quand t'étais dans ton bain dimanche à regarder tes vidéos de snow là. Ouais, je fais tout en même temps. Et tu faisais du Bill Badino avec ta petite joue. Bill ce Badino. DJ Bill Badino, il vient de Las Baleares, non? Ouais, exactement, ouais. De Majorque. Et il se trouve que c'est un DJ qui joue également pas mal au Razzmatazz, un club à Barcelone. Et ce DJ n'est pas que passeur de disques, il fait aussi des bootlegs et des remixes. Et là, il nous en a sorti un Fat. Il a bootlegué, si je me permets l'expression. Mais je crois que Paul, c'est ça. Paul Kalkbrenner, Kalkbrenner, je n'arrive jamais à le dire. Ça. Et le groupe de pop rock un peu surf, Tudor Cinema Club. Ils veulent enfin bootleg, ils mixent les deux et ça va donner le petit morceau qu'on va s'écouter juste après. Ça s'appelle What You Know et ce sera associé avec une big tune là. C'est le Lonely Boy des Black Keys. Les Black Keys, on l'a déjà passé pas mal de fois. C'est, ah bah attention, on est sur du niveau directement. Là, Black Keys qui fêtent leurs 10 ans et qui nous sortent en décembre, le 6 décembre. Le 6 décembre. Restez bien. Le jour de la Saint-Nicolas. Et, prends ça. Moi, je crois que c'est il y a quelque chose. Hein. Peut-être qu'il s'appelle Nicolas. Ils l'ont pas sorti pour Thanksgiving. Mais ils vont le sortir pour la Saint-Nicolas. Bien vu, donc, les ce gars. Sera en vente dans tous les chalets du marché de Noël. Avec des petits santons offerts. Il y aura un santon offert avec le CD. Ça, ce sera sympa. L'album s'appelle El Camino. Le single, le hit du moment, ça va être Lonely Boy. Vous pouvez mater le clip aussi. Il y a un Lonely Boy qui danse tout seul sur le clip. Le clip est génial. Bon, bah, c'est du son des Black Keys, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait 10 ans de carrière, 10 ans de bon son. Bah, voilà la dupliquette. Ils seront en concert si je ne m'abuse, ils seront en concert le 23 janvier à Anvers, l'Auto Arena, donc voilà. Bien on ça. Sera, hein. Bien. On y sera, hein. Lolo Arena, j'adore. Lolo Arena. On se passe sur le son. Yes, I. Allez, DJ Bubbadino. Bubbadino, suivez des blacks, clac, clac, clac. Blackies. Allez, reposez-vous. Reposez-vous. Je vois le remix, d'accord. Tu vois ? Ouais, tout à fait. On passe pas du Coca Light, hein. Non. Qu'est-ce qu'on a pu pécho là-dessus ? Allez, je retourne dans mon bain. Je vais faire de la mousse. Écoutez Tortoli et Arbatax, c'est le 105.4, c'est Radio Panic. Avec plus d'entrain, vas-y. Non, j'arriverai pas. Je suis déjà dans le bain. Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Ça, oh, c'était bon ça, j'étais un peu tout seul, Lonely Boy, mais voilà, j'étais avec les Black Keys, Black Keys qui sortent leur nouveau album en décembre. El Camino ça s'appelle. El Camino. 10 minutes, il nous reste 10 minutes, c'est donc, on approche de la fin de l'émission, j'en profite pour vous dire qu'après, sur Radio Panique suivra l'émission G-Boutique qui vous parlera de votre femme, c'est ce qu'ils viennent de m'annoncer là. Dans le ils vont parler de ma femme. Bah, ouais, votre femme, je sais pas trop. Déjà, tu me vouvoies et en plus, tu me parles mal. Bah oui. Et là, ça fait double ration. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a, votre femme. J'ai envie de te dire, et ta mère. Et ta mère, justement, c'est le morceau qu'on va se passer juste maintenant. Ça s'appelle Vince and Zufris Maracas. Et le titre, c'est ta mère. Et ta mère. Impeccable. Ta mère. Et ce sera suivi par Joey Star. Restez à l'écoute, on en parle juste après. On aura bien une petite minute. Ta mère. Yes, I. Et ta mère. Combien de temps encore de moi j'imaginais les lignes de ton corps, une à une dans dîner sur le lit, ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est ta mère. Ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de camp encore pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset. Ta mère. Ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibé de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'apporte le flacon pour qu'il y ait une ivresse de ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas l'amour sans exclusivité de ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Quand vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de profondre à l'âge? Tu le voulais morné, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu te fais prendre, arrête de crier comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Transition radicale. Jaguar Gorgon, nouvel album. Joey Star, c'est Joey Star. S'appelle Fausse Levée. Le nouvel album s'appelle Egomaniac. C'est sorti il y a 2 mois. Autant dire qu'il est sorti de prison il y a 2 mois en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est le jour de sortie, il y a un morceau qui s'appelle comme ça aussi. En tout cas maintenant, faut se lever. Dernier se mort, faut se lever. Un phénomène, la cuite suprême, la crème des crèmes. J'accouche à peine, il est mort depuis des semaines. Faut qu'on me traîne, me suive tout même. C'est ça que jamais tu me mènes, moi et puis m'amène. Voilà les phénomènes, et on se traîne. Quatre têtes cramées, quatre mauvaises graines. Tu te la bête de concours, la combouté lancée. Qui va se lever le premier? Je suis déjà recalé, je viens de bouffer le parquet. J'ai les neurones déjà hackés. Mais je suis en mission, je dois me déguiser. Je vais au bal masqué. Au bal masqué. Masqué, ohé, ohé. Joestin, fais-moi fumer. J'ai pressé, parisien. Ah ouais, ce soir je fous pas en calèche. Sur ma vie c'est Noël. Monsieur, monsieur, allez tout le monde dort. Maintenant, va vous expliquer. Bah, c'est pas tout ça. Où t'as mis les clés du cheval? Tout un délire plus technique avec ma clique. Les GPS c'est bien, si tu trouves ta caisse c'est pratique. Boire ou conduire, je fais les deux, y'a pas de hic. Boire et conduire, on a choisi le périphérique. Faut tracer, je suis qu'un putain de soirée. Quoi qu'on se prend un stop tout de suite par plus gradé. Derrière nos aguets, nous signifions qu'on zigzaguait. Faut la chevaucher et la clame en coup de maillet. Monsieur, bonsoir, vous avez les papiers? Papier. C'est vrai que j'ai papier là. C'est le bras de la justice qui parle, je suis pas en train de rêver. Il me dit qu'on roulait sur les jambes parce qu'on avait crevé. Je lui dis c'est un tenniniste, pour lui c'est trop perché. Avec des étincelles pour pouvoir emballer. Bon pour la calèche, il restait une formalité. Fallait quitter l'auto et se lever ça sans tomber. Et nos amis nous ont tendu la main à coups de pied. Toujours fidèles aux potes, ils nous entendent vraiment aider. Bon pour la calèche, on était bon pour la calèche. Bon pour la calèche, on était bon pour la calèche. Mais quand faut y aller, mais faut pouvoir se lever. Bricologie, dingologie, pour sauver la planète. Écologie, flingologie, pour sauver la planète. Alcoolologie, pour finir De retour, Tortoli Herbe Attacks, le 105.4, Tortoli Herbe Attacks. C'est la fin de cette émission, on a passé déjà une heure ensemble derrière cette G-Boutique avec une spéciale sur ta femme. Ah, donc après Joey Star, faut se lever, là vous pouvez vous recoucher, ils vont vous parler de votre femme, ça va être sympa. Tranquillement. Ils sont là, ils sont déjà bien en place. G-Boutique, ready, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, mais moi je sens qu'ils sont pas prêts. Je sens qu'ils sont pas prêts, du coup on se permet de lancer un petit classique et après avoir de leur côté s'ils sont cool ou pas cool, s'ils vont nous le couper ou pas le couper. À mon avis, ils vont le couper. À mon avis, ils sont mal lunés en ce moment. L'heure, c'est l'heure, hein, chez G-Boutique. Ils passent du Coca Light. C'est sûr. Ouais. N'oubliez pas de voter pour l'expression de la semaine cette semaine. Alcatraz contre du Coca Light contre René. Trois propositions, threesome cette semaine, on se fait plaisir. On est un petit peu libertin dans l'expression de la semaine. Cette semaine, rendez-vous la semaine prochaine 17h-18h pour une spéciale. C'est à 17h. Pour une spéciale genre, eh ouais, faudrait être à l'heure. Une spéciale genre transgenre dans le cadre de la programmation transversale. Genre transgenre, ça fait deux fois que je le dis. Transversale, transgenre. Voilà. Bref, on va pas encore bosser là-dessus, on va vite aller se mettre au taf. Genre. Nous, au boulot. Genre. Allez, on retourne au fond de la classe. Le classique cette semaine, Tortoli. Jimmy Soul et ça s'appelle Happy for the rest of your life. C'est un peu dub, hein. Tu vas reconnaître. Ah non, d'accord. Je le sais bien. Ah oui, je reconnais bien. Eh ouais. Allez, on fait comme ça, hein. On se dit à la semaine prochaine, hein. Yo. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, c'était bon ça.